Ouais, bien avec Bill Gates là on quoi Bill Gates moi bougon recruter ben informaticien au Sénégal légui mu ñew daf ben communiqué à la RTS. Bonjour, c'est moi Bill Gates, le président directeur général de Microsoft. Je suis venu aujourd'hui ici au Sénégal pour recruter un informaticien et pour le former dans mon entreprise à la Silicon Valley. Voilà, légui nak bon ñi doxé ci sen candidature. École Lyop Sénégal, j'aurais sa candidature. Donc, il y avait l'ENAM, il y avait l'école polytechnique de Thiès, il y avait l'école britannique militaire, il y avait l'école des avocats, et bien sûr, l'université Cheikh Anta Diop. Le jour J, n'a quoi? Bill Gates signal. Merci, je vous remercie tous, vous, chers étudiants, de vouloir participer à ce grand recrutement ici au Sénégal. Après mon qui veut commencer? Étudiant ENAMBI, moi, monsieur. Je veux commencer. Moneke, ok. Toi, tu viens d'où? Moneke, je viens de l'ENAM. Moneke, ok, commence. Wadi, commence. On t'est quoi? Ne grand 1, petit 2. Grand 3, petit 4. Grand 4, petit 5. Bill Gates, neko, stop. Stop. What is this? What is this? C'est quoi ça? Toi, tu sais même pas compter. Toi, je te recrute pas. Pousse là. Allez, le prochain. Et qui dit que l'école polytechnique, c'est quoi? Comment? Bill Gates n'est que go. Allez, compte-moi jusqu'à 10. Toi, je pense que tu pourras compter. Toi, tu es informaticien. Étudiant ingénieur binet 001. 0010. 0101. Bill Gates n'est que host. Vraiment, je suis découragé. Un étudiant informaticien qui sait même pas compter jusqu'à 10. Toi, je vais pas te recruter. Mon allez, le prochain. Prochain mignon. Bonjour. Moi, je représente l'école britannique militaire. Ok, toi, je pense que tu pourras compter jusqu'à 10. Bill Gates n'est que go. Ouais, il y en a une, deux, une, deux, une, deux. Bill Gates n'est, oh no, stop these noises. Mais toi, vraiment, tu n'es pas dans un camp militaire. Ok, je veux simplement que tu me comptes jusqu'à 10, mais tu peux pas, je t'écarte. Comment? Les guys, Bill Gates n'est prochain, c'est qui? Mon ouais, bonjour, c'est moi, Abdoulaye, École des avocats. Ok. Toi, j'espère que tu pourras compter jusqu'à 10. Bill Gates n'est que go. Ouais, article 1, alinéa 2. Article 3, alinéa 4. Article 4, alinéa 5. Bill Gates décourage. Jungle Bobby quoi. Never no, no, no, no. No, c'est pas possible. Mais heureusement qu'il nous reste un étudiant, le dernier. Cheikh Anta Diop, lui, il va bien représenter l'université de Cheikh Anta Diop. Hamga, bonjour, je représente l'université de Cheikh Anta Diop de Dakar. Bill Gates n'a que go, comptant jusqu'à 10. Wadine, as, roi, trèfle, dame, cœur. Bill Gates, yengel bobi retan quoi, khakatayni. Oh non, vraiment. Vraiment, vous êtes tous extraordinaires. Allez, je vous embauche tous. Je vous embauche tous.